L'établissement de la preuve. La preuve est établie lorsqu'on est capable d'apprendre ce que le messager d'Allah a enseigné. Ibn Taymiyyah dit: la preuve n'est établie contre les hommes qu'à deux conditions: être capable d'apprendre ce qu'Allah a révélé et être capable de le mettre en pratique. Par contre, celui qui est incapable d'apprendre, comme le fou, ou alors celui qui est incapable de pratiquer, cela n'ont ni d'obligation ni d'interdiction. Et lorsque la connaissance d'une partie de la religion est rompue, ou qu'il y a incapacité à pratiquer une partie, ceci concerne celui qui est incapable d'apprendre ou de pratiquer selon ce qu'il dit, tout comme celui qui est coupé de toute connaissance de la religion, ou qui est incapable de pratiquer quoi que ce soit de la religion, comme le fou par exemple. Et ceci sont les périodes de rupture. Et il dit, cependant, obéir au prophète n'est possible que lorsqu'on connaît ce qu'il a enseigné et qu'on est capable de le pratiquer. Donc lorsque la connaissance de son enseignement ou la capacité de pratiquer s'affaiblit, on se retrouve alors dans une période de rupture du message, dont ce sujet est donc la période de prêche et de prophétie en est une autre. Sois donc attentif à ce principe, car il est extrêmement utile et Allah demeure le plus savant. On note donc que lorsqu'un homme est incapable d'accéder aux enseignements du prophète ni de les comprendre, il n'est pas punissable pour son ignorance. Ibn al-Qayyim dit « L'établissement de la preuve diffère en fonction des époques et des personnes. Il arrive parfois que la preuve d'Allah soit établie contre les mécréants d'une époque, mais pas dans une autre, et dans certaines régions, et non dans d'autres. De même, il arrive que la preuve soit établie contre une personne, et non contre une autre, soit parce que la personne n'a pas de raison, soit parce qu'elle est incapable de discernement, comme c'est le cas pour l'enfant ou le fou, soit à cause qu'il n'est pas capable de comprendre la langue dans laquelle on s'adresse à lui, et que personne ne peut lui traduire. Celui-là sera alors classé avec le sourd, qui n'entend rien et qui n'est pas capable de comprendre. Ibn Hazm dit, quant à celui à qui la mention du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, n'est pas parvenue, s'il était monothéiste et croyant sur son instinct d'une foi valide, alors il n'encourt aucun châtiment et il comptera parmi les gens du paradis. Par contre, s'il n'était pas monothéiste, il comptera parmi ceux qui furent mentionnés dans le hadith auquel le jour du jugement sera présenté un feu. Ils seront ordonnés d'y entrer. Ceux qui entreront seront sauvés, et ceux qui refuseront seront perdus. Allah a dit, nous ne punissons personne avant d'avoir envoyé un messager. Sourate 17, verset 15. Il est donc exact que nul mécréant ne sera puni tant que l'avertissement du messager ne lui est pas parvenu, que la paix et le salut soient sur lui. Mais l'établissement de la preuve ne signifie pas qu'il faille comprendre parfaitement ce qu'Allah a voulu dire. Au contraire, il y a beaucoup de mécréants contre qui la preuve fut établie et qui malgré cela ne comprenaient pas ce que le messager d'Allah voulait leur faire comprendre. Mohammed ibn Abd al-Wahhab a dit « Je vous ai déjà expliqué cela de nombreuses fois. Celui à qui la preuve n'a pas été établie est celui qui vient de se convertir à l'islam ou qui vit dans un désert lointain. » Ou alors lorsque c'est dans des sujets complexes ou ambigus, comme certains genres de sorcellerie, celui-là n'est mécréant qu'après explication. Mais en ce qui concerne les fondements et règlements de la religion qu'Allah a nettement expliqué dans son livre, alors le Coran est la preuve, et celui que le Coran atteint a reçu la preuve. Mais l'origine même du problème, c'est que vous ne comprenez pas la différence entre l'établissement de la preuve et la compréhension de la preuve. En effet, la majorité des mécréants et les hypocrites parmi les musulmans n'ont pas compris la preuve d'Allah, malgré qu'elle est établie sur eux. Comme Allah le dit, penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent, mais ils sont comme des bêtes et plus égarés encore. Sourate 25, verset 44. L'établissement de la preuve est une chose, sa transmission est une autre, et elle est établie, mais la comprendre est une autre chose. Ils sont devenus mécréants dès que la preuve leur est parvenue, même s'ils ne l'ont pas comprise. Cheikh Hamad ibn Nasser al-Mu'ammar a dit « Et Allah, sanctifié soit-il, ne punit aucune créature avant de les avoir avertis. Il leur a donc envoyé les messagers, et il a descendu les livres afin que nul ne puisse dire « Si au moins tu nous avais envoyé un messager, nous l'aurions suivi et nous aurions été des croyants. » Et Allah a dit, et si nous les avions détruits par le châtiment avant cela, ils auraient dit, Seigneur, si au moins tu nous avais envoyé un messager, nous l'aurions suivi avant que tu ne nous humilies et ne nous couvres de honte. Et toute personne à qui le Coran est parvenu n'a alors plus aucune excuse. En effet, les grands principes de l'islam qui constituent les fondements de la religion islamique ont été exposés par Allah dans son livre et il les a énoncés de la plus claire des manières et a ainsi établi la preuve contre ses serviteurs. Et l'établissement de la preuve ne veut pas dire que l'homme comprenne parfaitement cette preuve, aussi bien que ceux qu'Allah a guidés et fait réussir et qui se sont soumis à son commandement. Vu que la preuve est bel et bien dressée contre les mécréants, alors qu'Allah nous a annoncé qu'il a scellé leur cœur afin qu'ils ne comprennent pas sa parole. Nous avons certes scellé leurs oreilles afin qu'ils ne comprennent pas. Sourate 6, verset 25. Mohammed ben Ibrahim el-Shir dit « On s'abstient de déclarer mécréant l'individu précis pour les choses dont la preuve peut lui échapper. Dans ce cas, il ne devient pas mécréant tant que la preuve du message lui soit établie par des textes dont l'authenticité est confirmée et dont la signification est claire. Puis une fois que la preuve lui est établie, avec une explication suffisante, il devient mécréant s'il continue. Et ça ne change rien qu'il ait compris ou qu'il dise « je n'ai pas compris » ou bien qu'il ait compris et rejeté. La mécréance n'est pas uniquement l'entêtement. Quant à ce qui est inévitablement connu en matière de religion, ou que le prophète est venu avec et qu'il s'y oppose, une telle personne devient mécréante par le seul fait de cela, et il n'y a pas besoin de lui faire connaître, que ce soit dans les fondements de la religion ou dans les branches, à part celui qui est nouveau dans l'islam. Notons que lorsqu'on dit que comprendre la preuve n'est pas une condition du tekfir, ceci concerne celui qui a la capacité de comprendre le sens des versets que l'on lui transmet. Car la capacité d'apprendre est une condition de l'établissement de la preuve, comme nous l'avons vu. Ainsi, lorsque les sens du Coran sont inaccessibles aux gens et qu'il n'existe personne pour prêcher et expliquer la vérité aux égarés, on considérera que les gens sont des païens en période de rupture. Et que s'ils meurent, ainsi, ils ne seront pas punis dans l'au-delà, mais ils seront testés, comme nous l'avons vu précédemment. Ibn Taymiyyah a dit « Et aussi celui qui invoque un autre qu'Allah ou fait le pèlerinage pour un autre qu'Allah est aussi un mouchrik. Et ce qu'il commet est une mécréance. Mais il se peut qu'il ne sache pas que ceci est du shirk illicite, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui entrent dans l'islam chez les Tatars et autres qu'eux et qui ont des petites statuettes d'étoffe ou autres auxquelles ils rendent des cultes et qu'ils vénèrent sans savoir que ceci est interdit dans la religion de l'islam ou encore offrent des cultes au feu sans savoir que ceci est interdit. Et ainsi, beaucoup de formes de shirk échappent à certains qui entrent dans l'islam qui ne savent pas que ceci est du shirk. Une telle personne est donc égarée, et son acte dans lequel il a associé est vain, mais il ne mérite pas de châtiment tant que la preuve ne lui est pas parvenue. Et la plupart des Arabes étaient sortis de l'islam à l'époque de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et bien que ces gens lisaient tous le Coran et que les preuves de leur mécréance étaient entre leurs mains, la plupart des savants du Najd estimèrent que ces gens étaient dans une période de rupture et se retenaient d'affirmer qu'ils méritent le châtiment dans l'au-delà, comme nous allons le constater. Hamad ibn Nasser al-Muhammar dit « Ceux qui moururent avant l'apparition de cet appel islamique et qui étaient apparemment en état d'idolâtrie, nous ne nous préoccupons pas d'eux et ne leur donnons ni le statut de mécréant ni de musulman. Mais nous disons, celui à qui le message de Mohammed est parvenu et y adhère et pratique l'unicité d'Allah et l'adore sans aucun associé et adopte les lois de l'islam et pratique ce qu'Allah lui a ordonné et s'écarte de ce qu'il a interdit, celui-là est au nombre des musulmans promis au paradis à toute époque et en tout lieu. Par contre, celui qui se trouve dans la situation des païens et ne connaît pas le monothéisme pour lequel Allah envoya son messager pour y inviter l'humanité, et ne connaît pas l'idolâtrie contre lequel Allah envoya son messager pour l'interdire, et se bat pour le protéger. On ne dira pas d'une telle personne qu'elle est musulmane à cause de son ignorance, mais au contraire, celui dont l'acte apparent est l'idolâtrie, eh bien, il sera manifestement mécréant. Et on ne demande pas pardon pour lui, ni ne donne d'aumône pour lui, et nous laissons son sort entre les mains d'Allah, qui connaît les secrets cachés, et ce que cachent les cœurs. Hussein ibn Abdullah, fils de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ont dit « Celui qui meurt parmi les adeptes de l'idolâtrie, avant que ne lui parvienne cette prêche, nous jugeons que, s'il était connu pour pratiquer de l'idolâtrie, et le prenait pour mode de vie, et est mort ainsi, celui-là est manifestement mort sur l'impiété. On ne fait pas de prière pour lui, ni ne sacrifie pour lui, ni ne donne d'aumône pour lui. Pour ce qui est de la réalité de son sort, cela appartient à Allah. Si la preuve lui a été établie de son vivant, mais qu'il l'a refusé, c'est alors un mécréant, extérieurement et intérieurement. Si par contre la preuve ne lui fut pas établie, alors son sort revient à Allah. Pour ce qui est de l'insulter ou de le maudire, ce n'est pas permis. Il n'est même pas permis d'insulter les morts du tout, comme cela fut stipulé dans le hadith que rapporte le Bukhari, d'après Aïcha, qu'elle a l'agré que le prophète a.s.w. a dit « N'insultez pas les morts ». Sauf s'il était un leader de la mécréance, à cause de qui les gens se sont égarés. Là, il n'y a pas de mal à l'insulter s'il y a un intérêt légal à cela, et Allah est plus savant. Nous voyons donc bien que ces gens lisaient le Coran. Le fait est que les sens du Coran ne leur étaient plus expliqués, mais au contraire, ils ont grandi de génération en génération sur ce paganisme et n'étaient plus capables de comprendre le sens originel du Coran, bien que ces gens étaient arabophones. Ainsi, lorsque les savants disent que comprendre la preuve n'est pas une condition, ils veulent dire que celui qui est capable de la comprendre, puis ne la comprend pas, il n'est pas excusé. Quant à celui qui n'est pas capable de la comprendre, ce n'est pas forcément celui qui ne parle pas du tout la langue arabe. Ce n'est pas forcément l'Esquimau ou l'Indien du fin fond de l'Amazonie. C'est également celui qui, à cause des mensonges et manipulations des prêcheurs du mal qui donnent au Coran des sens mensongers, et que cet homme ne trouve personne qui lui explique la vérité à ce sujet. Celui-là est incapable de comprendre la preuve, et donc la preuve n'est pas établie contre lui. S'il meurt avant qu'il ait eu la capacité de comprendre, il ne sera pas puni, mais il sera éprouvé le jour du jugement, comme le reste des gens de la rupture. Et Allah sait mieux.